on a qu'un seul accord là, Karma, avec un accord. It's been sick on the island bay. I know this damage on my eye. I know the wind is steady by. J'ai toujours le même accord. Alors je triche un peu. To see a come about it, on peut, avec un accord on peut faire. Reste là-dessus. On va passer ça. dans la lumière, entier dans la lumière. Enfanté dans la lumière, nous avons grandi, et puis l'âge de la pierre, jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Dans les tempêtes, nous portons la peur. Les enfants de la planète devant le soleil qui meurt. Nous, les fils de la terre, habités du même champ, du même cri, du même cri. Nous, les fils de la terre, habiter du même champ, du même cri, du même cri. Arrachés à l'esclavage, nous avons trouvé le secret d'un nouvel âge, un parfum de liberté. Arrachés à l'ignorance, nous pouvons choisir de briser tous les silences qui nous ferment l'avenir. Nous, les fils de la terre, habités du même champ, du même cri, du même cri. Nous, les fils de la terre, habités du même champ, du même cri, même cri. Nous, les fils de la terre, habités du même champ, du même cri, même cri. Façonnés dans l'impatience, nous avons brûlé les remparts d'indifférence qui nous tenaient prisonniers. Façonnés dans la tendresse, nous forçons la vie à nous tenir ses promesses dans un monde en agonie. Fils de la terre, habités du même champ, du même cri, du même.